comment fuck allons-nous faire? Belgique, Espagne ou Angleterre? Algérie, Écosse ou Mali? Égypte, Irlande ou Laponie? On va descendre dans la rue, lutter contre les lustres crues et la peste et le choléra. La comédie triomphera. Je veux l'Islande étincelante, les pays de miel et de morte, au populot doux et sauvage, avec un rire fin et sage. Mais comment faire, allons-nous faire? Belgique, Espagne ou Angleterre? Dans notre gourbie et répandons le rire ici avec nos clowns et nos clodos et nos musiciens du métro. Bonsoir, en manchette ce soir, notre spécial problème technique avec Bruno Corbin à la console. Tommy n'est pas là. C'est bien vrai, Tommy n'est pas là. Donc, on va partir une toune, puis on va espérer que ça fonctionne, puis que tout le monde soit content. Alors, je vais juste faire un petit quelque chose là, ici pour pas me tromper. Pendant ce temps-là, les souris dansent. Je vais faire ça. Ah non, ça n'a pas marché. Les souris Problème technique. Je n'aime pas ce logiciel-là avec lequel on fait affaire et je ne le nommerai pas. OK. C'est quoi? Pas. Mais sinon, Étienne, de quoi tu nous parles ce soir? Ben ce soir, j'ai un spécial d'Inde, parce que c'est l'Action de grâce, puis j'ai la suite de l'Octoberfest. Hey, c'est le thème! OK, cool! Des fois, on a des invités, puis d'autres fois, on en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy y joue au Magic Zelda dans un verre de pain. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. C'est bien sûr la soundtrack de Parapas de Rapper ce soir. Ah ouais, cool. Kick, punch, c'est ça l'une de mine. Exactement. Alors, on va se faire casser les oreilles par cette merveilleuse musique toute la soirée. c'est super bon. Hein? Superbe. Je cherchais quelque chose tantôt, puis je me suis dit, ah, Parapas de Rapper, c'est vrai, il y a des bonnes tunes là-dessus, mais je me rappelais pas de toutes les tunes intermèdes qui sont insupportables. Alors, c'est juste les tunes de quand tu joues qui sont bonnes, dans le fond. Voilà. Donc... T'as-tu essayé Arm Jammer Lamy? C'est-tu meilleur? C'est-tu moins bon? Non, je ne l'ai pas essayé, donc je peux aucunement répondre à ta question. La semaine prochaine. alors, vous avez reçu connu les voix d'Israël Trudel-Denis? Tout à fait, j'ai plein de lettres ce soir. Je vais même en faire lire à mes co-animateurs Bruno et Étienne. J'ai déjà hâte. Et Étienne Forêt, qui ce soir, comme tu disais, un spécial d'Inde. Ouais, tu mini spécial d'Inde. Il n'y a pas énormément de chansons d'Inde, étrangement. Là. Ah non? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un sujet très, très revisité. Ok, je pensais que tu voulais dire dans ton spécial d'Inde, surprenamment, il n'y a pas beaucoup de tunes dedans. Non, mais dans la vie. Dans la vie, ce qui fait que mon spécial d'Inde est nécessairement un peu court. Mais il y a la chanson Origina de Wanitu qui fait une joke de dinde dedans. Ah, tu vois, ça, je la connais pas. Ouais, ouais, ben, c'est la tune le sandwich afghan avec ben de la dinde dedans. Ah, ok, c'est cette joke-là. C'est drôle, ça. Ouais. Ouais, c'est pas. Ouais. Ça, c'est une bonne blague. Mais là, on l'a fait que tu vois, ça revient au même. Voilà. Donc, Tommy Godette est au Trou du Diable à Shawinigan ce soir pour inaugurer le cinquième chapitre douteux.org, visionnement de douteux dans une place qu'on boit de la bière. Ouais. Alors, on est partout. C'est moi qui prends sa place avec mon expérience légendaire pour ce genre de choses. Je suis la pâle de copie de Tommy Godette ce soir, Bruno Corbin. Ça semblait que tu avais grossi. Voilà, oui, effectivement. j'aurais pu dire la mince copie. Est-ce que tu as quelques nouvelles pour commencer? On va commencer avec ça tout de suite. Non, on va commencer avec d'autres choses pour commencer, je pense. Ah on oui? va écouter la tune de Parappa the Rapper. OK. It's gonna get rocky. We're gonna move down to the next jockey. Now duck, duck, jump, jump, turn, turn, pause, listen carefully. Jump, jump, pause, pause, duck, duck, and turn, turn. Yeah, I see you're getting better. Kick to the limit in order to get her now. Kick, punch. Alors, c'était le Master Onion. Ouais, c'est pas mal une des meilleures, je trouve. Même. Ouais, c'est pas mal la meilleure, même, je pense. C'est la première, en plus. C'est le premier level. Ouais, c'est ça. Okay. Là, le but de ce jeu-là, c'est de suivre les mouvements qu'il dit. Ouais, ouais, quand il dit kick punch, ben, tu fais kick punch après. Dans le rythme. Dans le beat, ouais. C'est un des premiers jeux rythmiques, d'ailleurs. À cette heure, on est overwhelmé par les guitares héros de ce monde, mais dans le temps, il y avait juste Parapapa de rapper. Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap problème technique. Je sais pas quoi faire. Qu'on se fasse un thème problème technique. Moi, j'ai reçu un mail, en tout cas, à 70%. Ah ouais? Dis-nous donc le courrier de l'auditeur. De l'auditeur? Eh bien, rappelons d'abord que vous pouvez tous nous écrire à 70% à gmail.com, c'est-à-dire 70%, 100, en commercial, gmail.com. Et puis là, c'est devinez qui? Lilian Chute qui nous écrit. Notre seul auditeur qu'on connaît. On commence à se demander s'il y en a d'autres, mais en attendant, tant qu'on en rejoint un, hein, nous autres, on est contents. Fait qu'il nous dit bonsoir à tous et merci à DJ Georges pour sa rubrique « Qui est plus que jamais le moment fort de votre émission? » Merci Lilian. Auriez-vous la gentillesse de diffuser à nouveau « Vol, oiseau, vol » ou un truc dans ce genre diffusé la semaine dernière? C'était cool, j'en avais les larmes aux yeux tellement que j'ai failli perdre le contrôle de ma voiture. Donc on pourrait rediffuser ça, j'imagine qu'il fait référence à « Vol, vol ». Mon oiseau de Danny Daniel Gabriel, qu'on a joué en primeur la semaine dernière. On pourrait la repasser aujourd'hui. On pourrait bien. Un peu plus tard dans l'émission. Ben, on l'a-tu? Moi, je l'ai, en tout cas. Ah, c'est bon, ça. Puis il dit aussi, depuis sa lobotomie, Predge n'est plus le même. Essaie de casser le mur avec un lavabo pour t'échapper. Salutations. Fait que voilà. Sinon, on peut toujours l'étouffer avec un oreiller pour qu'il meure pour de bon, parce qu'on peut pas le voir comme ça. Ah, ben c'est cool, parce que Lilian Chute, c'est toi et sa chronique préférée. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je suis fier. Ouais. Puis toi, c'est Julien. Ouais, puis c'est qui aime Bruno? Là? Personne. Personne à date. Personne. Ben, il y a sa blonde. OK, ouais, c'est vrai. Elle vient des fois. Elle aime pas vraiment ma chronique. Non? Elle aime plus toi. C'est vrai qu'elle se faisait les ongles pendant ta chronique la dernière fois. Qu'on sait pas. Donc, voilà. C'est un spécial 70% plate. Voilà, c'était notre premier mail à vie sur 70%. Ben, c'est-tu 70 en chiffres? Oui, 70POUR100. OK, parfait. Sinon, ce serait ben trop long, tout ça en lettres. Là. Ouais. Ce serait un défi. Parfait. Puis, faut-tu mettre les traits d'union en star? Non, encore? C'est fini sur les traits d'union? Selon la nouvelle orthographe, on n'est plus obligé d'y mettre. mais c'est encore accepté l'ancienne, fait qu'on fait ce qu'on d'accord. veut. D'accord, c'est bon. Bon, ben, je vais mettre mon thème, là, puis on va voir, là. Voici maintenant les nouvelles avec Bruno Corbin. Les nouvelles. Come on! dirait vraiment que quelqu'un qui se téléporte à la fin. Parce qu'il nous amène partout dans le monde, Bruno. Ben oui, c'est ça, exactement. Il y a quelqu'un qui se téléphone à partir de la toilette, je crois. Je pense que c'est ça qui se passe. D'accord, alors une femme de Los Angeles poursuit le Hyatt Hotel de Deerfield, en Illinois, après avoir trouvé un employé de l'hôtel portant ses vêtements dans sa chambre. Selon Dayanara Fernandez, l'employé masculin portait une de ses jupes et ses souliers à talons hauts, ainsi que des sous-vêtements, après que l'homme ne se soit changé. Il lui a remis les vêtements, incluant plusieurs paires de sous-vêtements qu'il aurait portés et qu'elle aurait supposément brûlés immédiatement. Fernandez a appelé l'accueil et ensuite la police. L'homme a plaidé coupable à des accusations de conduite désordonnée et a payé une amende de 187$. L'avocat de Fernandez affirme que l'hôtel refuse de reconnaître la détresse émotionnelle de la victime. Elle poursuit pour donc détresse émotionnelle, invasion de la vie privée, embauche, supervision ou formation négligente. Alors, on suppose que bientôt, les employés d'hôtel vont devoir suivre une formation leur disant de ne pas porter les vêtements de leurs clients. C'est ça. C'est quand même pas cher. C'est moins cher... C'est moins cher qu'un ticket de vitesse. Ben, c'est moins cher que de louer une chambre dans cet hôtel-là, probablement. Je suppose aussi, oui, effectivement. Ça fonctionne pas de la même manière. Hein. C'est peut-être aussi le gars qui s'est mis en linge de fille qui a une détresse émotionnelle. Ben, c'est ça qu'il dit. Ah, non. Non, pas ça qu'il dit? Non, c'est la fille qui a une détresse émotionnelle. Moi, je pensais que c'était lui qui voulait poursuivre l'hôtel parce qu'il se sentait pas bien. Parce qu'il se sentait pas bien pour détresse émotionnelle. Ça pourrait être un symptôme, là. Ah, c'est vrai. Je suis d'accord avec Israël. J'avais compris ça de même, moi aussi. Ah, désolé. Les débats de 70. Je pensais que j'avais bien écrit mes affaires. Non, mais ça, c'est peut-être... C'est correct. Non, c'est bon. Non, mais les deux peuvent en souffrir, hein? L'un n'exclut pas l'autre. Exact. Moi, ça me rappelle d'ailleurs, il y a une amie de ma blonde là, qui s'appelle, cette amie-là s'appelle Josée Preston, puis elle habite dans une genre de place de personnes âgées, puis elle n'est pas âgée, tu sais. Puis elle s'est comme pogné un logement-là parce que c'était pas cher, puis il y a une espèce de passe-droit, je sais pas trop. Puis là, ils ont tous chacun un petit locker dans le sous-sol où ils peuvent entreposer les affaires qui ne rentrent pas dans leur logement. Puis une fois de temps en temps, ben les lockers qui sont non réclamés, parce que ça arrive, que des personnes âgées décèdent ou déménagent, puis laissent leurs affaires derrière eux. Mais là, ils les défoncent, puis ils font une vente de garage avec ça. Puis elle est arrivée une bonne journée à cette vente de garage-là, puis elle était obligée de racheter plein de ses affaires parce qu'il y avait eu une espèce de mélange. Puis on avait ouvert son locker à elle, puis il en manquait. Puis elle a vu du monde avec ses vêtements qui se promenaient, puis des gens qui achetaient ses meubles, puis... Est-ce qu'elle a poursuivi l'immeuble à logement pour détresse émotionnelle? Non, pas encore, mais écoute, c'est toujours possible. Qu'on la salue en passant. Sûr qu'elle nous écoute vraiment religieusement. D'accord. On en laisse un autre? On l'espère. Oui, je peux vous en pousser un autre. Il y a une femme de Lachlan en Ohio qui a été arrêtée par sa crise de faute. Selma Elmore a interpellé l'officier de police Dan Lyons et lui a demandé s'il y avait un mandat d'arrestation à son nom. Lyons a vérifié et l'a informé que oui. La femme s'est alors enfuie en courant. La poursuite s'est terminée lorsque Elmore a poussé Lyon sur un mur, le blessant au coude. Les renforts sont arrivés et ont appréhendé la suspecte. Elle était recherchée pour ne pas avoir payé des amendes et fait maintenant face à des accusations de résistance à l'arrestation. Cocasse, hein? Ouais. Comme pas pire, je l'aime bien, gros. Ouais, moi aussi, j'aime bien. J'étais content. Alors, Étienne? Ouais. Ouais. Traite de même. Ouais, on a du temps à tuer, là, parce qu'il n'y a personne. On n'a pas fait le petit test tantôt, mais on va. Advienne que pourra. On va essayer. Voilà. Ouais. Alors, à la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu, je viens d'allumer ton affaire. OK. Fait que je pars une toune. Oh, ça marche. Quel bel accent. As-tu turkey dans une paille? Ou dans la paille, en fait. Qu'on pourrait dire. Il s'agit bien sûr de Mega Music, le band officiel de Dollarama. Ah! J'ai jamais vu de disque de Mega Music nulle part ailleurs qu'au Dollarama. Où là, il y en a tout le temps, là, par contre. Ça, c'était en 2002, cet album-là. Oh, pardon, j'ai baissé un peu trop bas, quand même. Donc, c'est sur l'album Let's Give Thanks, fait expressément pour l'Action de grâce. En fait, c'est un album double. Il y a moitié Pâques, moitié Action de grâce. Oh! Donc, ça, c'est Turkey and the Straw. Là, j'ai un petit tour du chapeau, Mega Music, parce que tout de suite après... Trois chansons? Ouais. On a Turkey Dance, qui est un peu plus exotique, celle-là. Ouais, elle fait World Beat. Ouais. y a comme du steel drum Casio-esque. Ouais, exact. C'est toujours cette chanteuse-là, depuis 10 ans à peu près, qui fait toutes les méga musiques. Et puis ça, est-ce que tu as des informations là-dessus, méga musique? Non, ou... j'essaie toujours d'en avoir, puis il n'y a personne nulle part qui connaît ça. Il n'y a pas Internet. De page Wikipédia. Il n'y a rien. Rien, man. Pas de page web officielle. Et sur les disques, il n'y a rien, non? Non, c'est enregistré. Je pense que les tracks sont enregistrés ici, genre, puis mixés à Hong Kong ou quelque chose de même, puis imprimés là-bas, puis vendus ici. Donc ça a l'air un gage de qualité, comme on peut comprendre. Puis cette madame-là, ben, elle a un bel accent quand elle chante en français. Malheureusement, il n'y a aucune tune en français sur l'album Let's Give Thanks. Mais tu vas nous y revenir dans une de ces prochaines fois, j'espère. Oui, ben les tunes de Noël. Il y a beaucoup de tunes de Noël en français, puis c'est toujours bon. Ah, fait que ça sent bien. Ça va être dans le coin de notre 200e épisode. Oui, ben oui, c'est vrai. C'est quand ça? C'est le 13 décembre. Le 13 décembre, notre 200e émission. Soyez-y. Oh, oui. Bon, moi aussi, je vais essayer moi aussi d'être là. Ça serait le fun. Ouais. Ouais, ça serait plate que tu le manques, là. Ouais. On enchaîne avec Teddy's Turkey Dinner. C'est reconnaître une chanson connue. Oh, wow. Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Fait qu'en gros, c'est une chanson sur l'action de grâce où des teddy bears mangent la dinde. Ouais. Mais ils ont-tu vraiment un système digestif? Ça veut juste cochonner la ouate? Je sais pas trop comment ça marche. J'imagine que s'il n'y en avait pas, ils ne mangeraient pas de dinde. Non, c'est ça. Eux, ils doivent le savoir. Ils étaient minces au début, ils ont mangé, puis ils sont devenus gros. Hein? Ils sont devenus heureux. Les bouts de parler sont toujours bons. C'est drôle, ça, les fêtes qui arrivent à chaque lundi, parce que tu peux refaire le même spécial à chaque année. Oui, oui, je peux, mais j'essaie de ne pas mettre tout le temps la même tune, par exemple. Pour les auditeurs fidèles qui me suivent depuis 3 ans. Et qui n'ont rien d'autre à faire à l'action de grâce que d'écouter mon spécial et de dire hey, c'est encore comme l'année passée. Je m'en fais, on peut passer à la prochaine, je crois. Ouais, parce alors, que... ça complète le tour du chapeau, Mega Music. C'est assez intolérable, merci, Mega Music. Mais tu sais, Mega Music, les premières fois que j'en ai acheté, dans ce temps-là, les CD vierges se vendaient 1 piastre. Puis les disques de Mega Music au Dollarama se vendaient aussi 1 piastre. Fait que ça donne une idée de la valeur du contenu qu'il y avait dessus. Là, aujourd'hui, ils doivent se faire pas mal plus d'argent parce qu'ils continuent de les vendre 1 piastre. Puis là, les CD vierges, ça coûte plus cher à ce temps. Ouais. Sinon, dans ils ont triplé leur profit à chaque fois. dans les tunes de dinde, on a Dustin the Turkey, qui est quand même assez sympathique. Dustin the Turkey, c'est une marionnette irlandaise. Celle-là, je l'ai déjà fait jouer ici, mais je l'aime beaucoup, fait que je vais la repasser. C'est une marionnette pour enfants en Irlande. Puis ce qui est assez palpitant de ça, c'est qu'elle a gagné le concours Eurovision 2008 en Irlande. Fait qu'en Irlande, Eurovision, bon, vous savez c'est quoi? Chaque année, tous les pays d'Europe envoient un représentant à déterminer qui a la meilleure tune puis le meilleur chanteur. Puis l'Irlande, ben ils ont fait un petit concours entre eux, comme chaque pays fait. Puis c'est Dustin the Turkey, la marionnette d'émission de télé qui a l'air d'une dinde, qui ne sait pas chanter, puis qui a l'air ridicule, qui a gagné. Il a gagné les playoffs dedans, cette division, dans le fond. C'est ça, exact. Puis il a été envoyé à Eurovision. Fait qu'évidemment, ça a fait un petit scandale en Irlande parce qu'il y avait beaucoup d'artistes sérieux qui avaient participé à ça. Puis là, il était étrangement pas content de s'être fait voler la vedette par une marionnette en forme de dinde. Malgré tout, c'est Dustin qui est parti pour la Serbie en 2008, là où avait lieu l'Eurovision. Puis il a choisi d'interpréter Ireland 12 points. Ce qui est un essai de dire Irlande 12 points. 12 points étant le maximum qu'un chanteur peut recevoir d'un autre pays dans l'Eurovision. Elle tentait donc sans aucun doute d'influencer subliminalement le jury, mais ça n'a pas fonctionné. Elle s'est fait éliminer en semi-finale, qui est la première étape, en fait. Mais elle a tout de même réussi à récolter 22 points, ce qui est quand même pas pire parce que c'est pas le plus poche. Donc, il y en a du plus poche. Il y a 5 pays qui ont obtenu moins que Dustin the Turkey dans les semi-finales, soit l'Andorre, la Belgique, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie et Saint-Marin, qui est une république indépendante en Italie. Donc voilà. En comparaison, la Grèce qui avait gagné cette année-là, la semi-finale, avait remporté 156 points, donc c'est quand même pas mal plus. Fait que là, voilà, on peut donc maintenant écouter Dustin. From a nation, what knows how to write a song. même pas bon. C'est vraiment pas bon, là. C'est, je comprends les autres Irlandais d'être pas contents. Parce que c'était un pied de nez à Eurovision. Je sais pas trop comment ça... C'était quoi l'idée derrière ça. Pseudo Dance. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir la performance qui se fait live sur scène. D'habitude, c'est une marionnette qui est peut-être deux pieds de haut à la télé. Mais là, c'est difficile de faire chanter dynamiquement une marionnette de deux pieds de haut dans un concours sur scène. Mm-hmm. Fait que c'est un gars qui porte la marionnette sur sa tête. Fait que le gars qui fait la voix, il a Dustin sa tête en guise de masque. Fait que c'est comme s'il s'était enfourché une dinde sur la tête, puis il chante, puis c'est ça. Juste bout-là, c'est pas pire. C'est comme un guy in the butt turkey, là. C'est ça. J-O-B, gobble, B-L-E. Mais carlisse. C'est assez inspiré, ça. Fait que voilà. C'est difficile, hein, ça? C'est vraiment pas facile. Bravo, Irlande. Mais quand même, c'est ça. Ça a battu 5 pays, là. Ouais. Ouais, oui. Fait que Belgique, République tchèque, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait à présenter, là. J'aimerais bien écouter celle de la Hongrie. Faudrait essayer de la trouver. La semaine prochaine, je vais tenter de revenir avec ça. Sinon, ben, plus près de chez nous, on a quelqu'un de très sympathique aussi qui s'appelle Florian Labelle, qui fait un faux live à Salaberry de Valleyfield qui se passe en fait dans son sous-sol. Ah ouais, ça c'est bon, ça. C'est un faux live. Un faux live. Alors, dites-moi, Florian Labelle, vous avez une prochaine chanson à nous présenter? Certainement. Et pour l'occasion, j'ai choisi une chanson pour le temps des fêtes. J'ai perdu mon dinde. Alors on vous écoute, allez-y. J'ai perdu mon dinde. Ouais, perdu mon dinde, un grand classique que j'ai déjà joué ici. J'ai perdu mon dinde. J'ai perdu mon dinde. Mais de toute façon, il a dit certainement. Certainement, ouais. Puis pour l'occasion. Ouais, que, ça, là, j'avais pas s'attendre à trop. Il y a une belle grosse tête, pareil comme toi, crois bien que c'est toi, viens on spot toi. J'ai perdu mon dinde, j'ai perdu mon dinde. Sur l'air très reconnaissable de « J'ai fait une brancoute ». Effectivement. Quelle marque a-t-il ton dinde? Quelle marque a-t-il ton dinde? Ah, ouais. Quelle marque est ton dinde? Ouais, quelle marque a-t-il ton dinde? Pas le bord, l'autre. L'autre? C'est quoi l'autre, là, donc? Ben, non, c'est pas toi. On remarque la voix sensuelle de sa femme qui est dans les bacs. Madame Margot, je crois. On dirait qu'il y a une de ses amies aussi. Ouais. Ouais, qui fait les accords diminués avec elle. Que ce soit vraiment le fun à écouter. Et puis, est-ce qu'il y a moyen de faire pire que ça? Ben, on peut descendre très bas si on veut. Le temps d'une dingue. Y a-t-il du monde qui est en train de chanter? Allez, écoutez, Roland I.A. Tremblay. OK, mais si vous êtes prêts, vous allez répondre. Êtes-vous prêts à répondre? A.K.A. Michel Barrette. Pas de dentier. Et son sempiternel temps d'une dingue. Ça fait longtemps. C'est quand même un des shows de télé les plus regardés ever au Québec, hein? Kilomètre heure. C'est vrai, c'était un des shows les plus regardés, ça. Ouais. Mon Dieu. Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce que vous êtes un répondeur? Voici revenu le temps des fêtes. Évidemment, c'est prévu pour le temps des fêtes, mais on mange aussi de la dinde à l'Action de grâce, normalement. Ouais, ouais. C'est comme une fête, l'Action de grâce. En fait, moi, je capotais vraiment sur ce tune-là quand j'avais genre 4 ans. Ouais, c'est ça. Quand on a 4 ans, ça se peut. Ça allait comme une drive. Ben oui. Ma tante Titi, voyons, parfait. Et voilà. Ah ben merci. C'était mon spécial dinde, c'était, messieurs, dames. C'était bon. T'as fait le tour de ton spécial dinde? Eh oui, j'ai fait mes 6 tonnes de dinde. Fait que là, on revient avec un spécial Atoka après la pause? On va tomber dans l'Octoberfest que j'avais pas eu le temps de finir l'autre fois. Ah d'accord. Ça s'étire tout le mois d'octobre. Des polkas de bière, là? Oui, ben là, j'ai pas mal fait mes polkas puis mes yodels. Il me reste des versions allemandes de tonnes connues qui sont quand même assez savoureuses aussi. qu'on va pouvoir écouter ça. Et sachez que je suis en train de préparer, avec l'aide incommensurable de Simon Predge, un spécial Halloween qui va fesser pas mal fort, qui va s'étirer sur la semaine avant puis la semaine après l'Halloween. Fait que préparez-vous psychologiquement. Ça va être des bruits de chaîne puis tout? Ça va être, il y a catégorie effets sonores, chansons poche et sketch. Là. Ah oui, ça c'est bon, ça les cassettes, là? Oui. Ben, je viens d'ailleurs d'en écouter un, là, que c'était des effets sonores, mais avec des présentations avant chaque effet sonore. Ah, ça, c'est bon, ça. Un gars qui dit « Vous êtes chez vous » et tout à coup, vous entendez. OK. Puis là, t'entends le petit bruit, tu sais, comme 2 minutes. OK, je pensais genre comme une présentation, genre « Porte qui grince ». Non, il essaie de faire ça théâtral quand même, puis de mettre dans une ambiance, mais évidemment, il est pas super convaincant. Ah, c'est bon. Il y a des belles affaires, là, puis ça se prépare pour Halloween. OK. Tout à fait. Fait que je pense que je vais mettre une toune. Oui, donc. Puis pour nous faire gérer un peu la dinde. Exactement. Puis après ça, je lirai des lettres. Puis après ça, on va retourner avec Israël qui va lire des lettres parce qu'il vient de décider ça. Ouais. Alors, on écoute Juste des bombes. On écoute My Schedule, Let's Wrestle. Choc FM. C'est là qu'on est. Ici Stéphanie, à 70%. Ils m'ont forcé. Ici Paul Sarrazin, à 70%. Au moins 40% de plus que la plupart des notes que j'ai eues à l'école dans mon enfance. J'ai pas vraiment passé, mais 70%, j'aurais été content d'avoir. Bon, alors ça devrait être Israël, mais bonjour, vous êtes à 70%? Ouais, bonjour, c'est vrai pour une plainte. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, le contenu est trop intéressant. Ah. Salut, ça va, c'est Julien? Ah, salut, salut, salut Julien! Allô? Mais j'espère que t'es pas ici, là. Sois ici. T'as peu, là, c'est la première fois que je fais ça, faut que je ferme l'émission en même temps sur mon ordinateur. Oui, parce que sinon, ça fait du feedback. Ouais. Ben, c'est le son, s'il vous plaît, madame. T'as pas écouté la radio depuis 1985? C'est comme 10 secondes plus tard, là, quand je vous parle. Exact. C'est pas qu'il est Puis, qu'est-ce qui se passe dans une seconde? De la loto. C'est ça, ben, sinon, ben, c'est un spécial plate, c'est ça? Vous avez. Ouais, ben, c'est ça, ouais. T'es pas là. C'est ça, ouais. on n'a pas le choix que ce soit plate. OK, c'est cool. Ben, en tout cas, moi, j'ai absolument rien à dire. Ah, d'accord, c'est le fun. Ben, c'est pourquoi bien. T'appelles d'abord? Veux-tu en profiter pour je le pas, dire? Pas, parce que j'ai rien à faire. Je bois du vin, puis je... C'est quoi? Tu manques à tes responsabilités? C'est quoi? T'as un souper d'Action de grâce? Non, mais je préparais un dossier chaud sur Patoff aujourd'hui. Ah, wow. Mm. Ça aurait été bon, non? Puis finalement, par paresse, je ne l'ai pas fini. Ah. Fait que j'ai ça ben, la semaine prochaine, là. Ben, check, la semaine prochaine, nous autres, on va tous faire ça, être paresseux, puis tu vas te ramasser tout seul à la radio. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Hein? Ben, je vais faire un dossier sur Patoff d'une heure et demie. Ça devrait pas être difficile. En tout cas, j'ai ça. J'ai Patoff en Chine, puis Patoff chez les dinosaures. C'est vraiment pas prometteur. En tout cas, je tiens à te dire qu'aujourd'hui, c'est pas toi ma chronique préférée. Ouais, je l'ai mérité, celle-là. Mais sinon, on va essayer de trouver quelque chose à dire. J'ai trouvé une vieille revue, un mensuel des copains de Lucky Luke. Oh, qui date de 1974. Et dans lequel une certaine. Une certaine Elisabeth Guilherme fait un poème sur Lucky Luke. Wow. Ah, c'est bon, ça. Ouais, ouais c'est ça. Mais c'est pas vraiment drôle. Tu peux nous le quand même. C'est pas grave. Ouais, lis-nous-le. Ça fait du contenu là, pour l'émission. Oui, vas-y, vas-y. Alors, c'est Lucky Luke qui lui répond, semble-t-il, d'après la revue. Lucky Luke lui répond, « Pour terminer cette livraison, un poème écrit par Elisabeth Guilherme qui m'a fait rougir de plaisir. Hmm. » Wow. Vous pouvez s'imaginer Lucky Luke rougir de plaisir. Alors, hommage à Lucky Luke. Lucky Luke, homme sage, laisse la paix sur son passage. Toujours avec son six coups, on peut dire qu'il est casse-cou. Lorsqu'il poursuit des bandits, avec l'aide de Jolly, dans ses nouvelles aventures, il y aura de la bagarre, c'est sûr. Il capturera les Dalton avec l'aide des autres Dalton, qui, eux, ne le voulaient pas. Lucky Luke les obligera. Puis, l'histoire terminée, il s'en va se reposer pour un repos bien gagné. Rougir de plaisir. Ouais. Wow, hein? Moi aussi, ça m'a fait rougir. Là. On est tous rouges en studio, ouais. Monsieur Lann. Oh my God, j'aimerais savoir ça. J'en ai un pas pire, Julien Bernatchez, l'émission qui a manqué. Jamais je lui en voudrai. La semaine prochaine, il est mieux de ne pas se pointer. Ah, hein? Brûle pour point. Ouais, non, c'est déjà bien meilleur que ce que Elisabeth Guilherme peut faire en plusieurs heures. Voilà. Ben, il y avait beaucoup de rimes en « et », là, je trouve. Ouais, ouais, c'est le plus facile, c'est sûr. Ouais. Non, ben, je sais pas, là, je peux dire de quoi avec ma voix d'Astérix, je sais pas, qu'est-ce que je peux... ouais, ah, c'est dans ça, ouais. Et Astérix. OK. Abélix, non! Je sais pas comment ça sonne au téléphone, mais live, ça torche en tabarnak. C'est parfait. C'était malade. On était sûr que c'était lui. Abélix, non. Vous aviez une entrevue live avec Astérix. Avec Astérix, pendant une seconde, on était tous là. Ah, Astérix, il est là, pour vrai. Il est un grand fan de votre émission. Abélix, c'est excellent, 70%, allons. Tu peux-tu nous passer Abélix? Oui, un instant. Abélix! Abélix, téléphone! Abélix, non! Ici! Abélix, non! Oui, allô? Bonjour, tu l'as moins bien. Ça ressemble plus à mon chauffeur de taxi. Ouais. Essaye de faire Gérard Depardieu à la place. Gérard Depardieu, ouais. Ben, dans quel film? Parce qu'il y en a fait comme 140. Ben, dans Astérix. Dans Astérix, mettons. Ah, ok! Ouais, alors, bon. Ah, ok, ouais, celle-là, ouais, celle-là. Ok, t'as peur. Oui, allô? C'est la rare. Même voix. C'est pareil, Gérard, hein, mon Dieu. Je t'es-tu bien chaud, là, genre? Non. J'ai chaud. J'ai vraiment chaud, vraiment, en fait. Là. Est-ce qu'on risque de te voir parmi nous au brouhaha ce soir? Ah, peut-être. Je vais voir, là, peut-être bien. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir un excellent film. Oui, donc on n'a pas parlé encore, en fait. Non, on ne sait même pas nous-mêmes c'est quoi. Non, c'est ça. Même moi, je ne sais pas. C'est moi, il faut qu'il en parle. Bon, ben... Ouais, c'est ça, on a d'autres choses à faire. Ah, d'autres choses à faire. Non, on a fait le tour. Je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui sont rouges. Ouais, passez une belle soirée, les boys. Ben bon travail. Certains. All right, à la semaine prochaine, Israël, je suis désolé. Non, c'est cool, merci d'avoir appelé. Ben oui. Ah, un plaisir. Ouais, ok, bye. Bye, bye. Salut, Astérix. Astérix, non. Alors, on a tous reconnu la voix de Tintin. Bien sûr. Voilà, qui nous appelait du du château de Moulinsart, du pays des Soviets. D'où le décalage. Donc, ouais, fait qu'on sait pas c'est quoi le film à soir. Israël Trudel-Denis, ben non, mais oui, on va le savoir, je vais en parler après, mais là, c'était rendu à toi, là. Oui, je sais, ben, fait que j'ai un spécial très cocasse, j'ai un spécial Saint-Valentin. Oh, c'est mais j'ai amené plus de lettres parce qu'on n'a pas beaucoup de contenu aujourd'hui. Comme vous avez pu le remarquer. Lire à mes amis tout à l'heure, mais j'ai un spécial Saint-Valentin de deux lettres que je vais vous lire dès maintenant. Parce que des lettres de Saint-Valentin, c'est ce que j'ai le plus. Parce que chaque année au secondaire, on se faisait envoyer, il y avait le courrier du cœur, tu sais, tu pouvais poster des lettres puis les envoyer par la malle à l'école. Ouais, ouais. C'est cool, ça. Fait que ça, j'en ai un Schopenbarge, puis je pense que je vais toutes les lire à notre émission de Saint-Valentin, qui risque d'être notre 215e, genre. Quelque chose de genre. Genre, ouais, environ, là. Environ. Ouais. Donc, salut Israël, ça feel, moi, super bien. C'est demain la Saint-Valentin, donc bonne Saint-Valentin en majuscule. Ouais, on ne te voit plus beaucoup, puis tes notes d'école. Moi, ma plus basse, c'est en anglais, avec 63 %. En maths, j'ai eu des bons résultats, malgré que je ne comprends rien du tout. C'est fun. Puis ma note en anglais, je comprends pas, c'est du chinois pour moi. Donc, demain, le 14 février 1998, je te souhaite de passer une belle journée. Bon, je te laisse. Bye, bonne Saint-Valentin. De Maud. Excuse pour le sujet plate d'école, puis pour mon écriture. En effet, c'est... Ouais, c'est vrai que c'était plate. C'était un peu un sujet plate, j'avoue. Ouais. Beaucoup comparaison de bulletins, là. Ouais, ouais, puis tu sais, se comparer, c'est jamais bon, même pour l'estime personnelle. Non, jamais. Ouais. Il faut arrêter de faire ça. D'ailleurs, la réforme a mis un frein à tout ça. Ah oui, ils comparent plus les enfants? Non, ils font plus de moyenne parce qu'il ne faut pas comparer les enfants. Okay, les enfants sont gagnants, tout le monde passe l'année. Ah, fait que tu n'as plus le droit de dire au petit Jérémy, au petit Jérémy, ouais, check, le petit Nicolas, il a fait mieux que toi. Non, tu ne peux plus faire ça. En tant que prof. Tu n'as plus le droit de faire ça. Non. Y a-t-il encore des notes? Il y a encore des notes, mais les notes sont par rapport aux attentes du professeur. Fait que si le professeur il pense que t'es pourri, tu peux avoir des excellentes notes assez facilement. C'est bon. C'est-tu vrai, ça? Ben, c'est plus comme ça maintenant. Ça a été enlevé, mais ça a été vrai pendant toute une génération. Là. Il y a une gang qui rentre au cégep cette année, que j'ai d'ailleurs dans mes cours. Puis eux autres, ils ont été éduqués de cette façon-là tout au long. C'est la réforme de Pauline Marois. Mais là, ça a été arrêté. Là. Ils ont mis un stop à ça parce qu'ils se rendent compte. C'est vraiment cave? Oui, c'est vraiment stupide. Ouais. Mais ça, écoute, moi, je commence l'école demain. D'ailleurs, félicitations, Israël. Ouais, ouais. Félicitations, Israël. Je commence l'école demain, puis je compte bien être le meilleur. C'est un dossier à suivre. Oui, nous autres, on croit en toi. Ouais. Donc, deuxième lettre de Blink-182, elle qui m'écrit très souvent. Oui, ça, c'est ma préférée. Oui, ben c'est la plus insipide. Ouais. Facilement. Ève-Marie Bété, si vous voulez voir sa face sur Facebook. Ah. Comment ça s'écrit? B-E-T-T-E-Z, je crois. Bété? Ouais. C'est bon. B-E-T-T-E-Z. On va aller checker ça. Vas-y, lis ta lettre. Ben, je suis même pas ami avec Noé. Allô, Israël, ça file-tu dans ton petit bout? Moi, pas pire, je suis dans mon cours de morale. Puis mon prof, ben, il me donne du temps pour écrire des lettres, vu que c'est la Saint-Valentin. Fait que j'ai décidé de t'écrire. T'es la première lettre que j'écris. C'est poche, la morale. Ben non, excuse, pas poche, parce qu'on peut niaiser puis parler tout le temps. Je sais pas quoi dire à part « Passe une belle Saint-Valentin tout seul ou avec quelqu'un. » J'espère pour toi que ça va être avec quelqu'un. Hé, hey, oui. Conne, Sophie, le prof de morale, hein? Moi, elle me gueule bien souvent parce que je parle souvent avec Karine. Fait qu'on remarque ici que tout à l'heure, elle dit « C'est cool la morale parce qu'on peut parler tout le temps. » Mais là, la prof l'engueule. Ah oui, puis là, c'est plus le fun. Ouais, c'est ça. Très cohérent, Mme Bété. Oui, on la salue. Ouais. Bon, là, je viens de finir mon test. Tantôt, quand j'écrivais, c'était avant mon test. Puis là, je l'ai fait. Puis là, c'est après mon test. Hey, c'est bien plate, mais je sais vraiment pas quoi te dire. Puis en plus, il faut que j'écrive mes autres lettres, puis il me reste 30 minutes pour écrire, fait que bye. Blink-182, trois petits becs à la cannelle, friend forever. Écris-moi. Et voilà. Hey, je l'ai trouvé, alors c'est Ève-Marie Bété Charlebois. Oh. qui est parent avec Claire-Emmanuel Bété et Jean-Philippe Bété et Marc-Antoine Bété. Les tous. Elle est dans une relationship avec Alain-Claude Cossette. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, du tout. Du tout? Non. C'est dommage. Ben, je chercherai à soir, voir si c'est la vraie bonne. Non, voilà. En tout cas, il est marqué que sa hometown, c'est Rouen, Québec. Alors, ça doit être ça. Je suppose que c'est elle. On la salue. On la salue, voilà. Faudrait l'inviter. Pas au clan. Non, c'est ça. Puis si tu veux venir à l'émission, c'est ça, ou nous écrire des lettres, là, on aimerait bien ça. 70%. Bon, ben, je me garde deux petites lettres pour tout à l'heure, mais je n'ai passé une à chacun de mes coéquipiers, s'il y en a un qui veut en lire une, sinon on peut passer à autre chose. Ah non, ben, moi, je veux lire la lettre. Étienne Forêt va lire une lettre. Parce que je suis primé, man. Bon, premièrement, ça commence par un dessin d'un panneau de signalisation entrée interdite. Puis c'est marqué à côté « Vue de haut d'un skin qui s'est rosé trop proche ». C'est rasé trop proche. Ah, OK. OK, fait que voilà. Donc, c'est toujours ça. Très bien écrit dans un français lisible. Oui, le français n'est pas facile, mais ça me rappelle beaucoup de mes étudiants. Donc, ça dit « Osa », trois points d'exclamation. « Bon, j'espère que tu vas bien. » Ah, beaucoup de suspension. « Chris, je le sais pas, mais j'ai l'impression... qu'à matin, ben, il y a du monde en tabarnak à cause de moi. Ah là là. Tu sais, Reyna, quand elle me parle, elle me dit qu'elle sent un crisse que ça l'est bien. Qu'elle sent un crisse de pas mal tout, dans le fond. Puis là, ben, Crow, OK, je sais pas, Crow, elle file pas un matin. C'est qui, toi, Crow? C'est peut-être Caro, dans le fond. OK. Avec un A omis. Ouais, c'est ça, un A muet. Elle file pas un matin, puis j'ai l'impression qu'ici, juste à moi qu'elle parle pas. C'est bizarre. qui c'est juste à moi qu'elle parle pas. En tout cas, c'est peut-être parce que je suis paranoïaque avec un K, mais je sais que ça me rend triste, que ça l'aille pas full bien pour eux. Puis on dirait, je me sens coupable de les voir tristes quand que moi, je suis full heureuse. Et là, tout ce que j'ai lu depuis le début, il y a une grosse accolade à côté, puis c'est marqué « Excuse, ça avait aucun rapport. » Alors, je suis désolé d'avoir lu tout ça. Ensuite, en dessous, là, le bout qui a rapport, donc, on comprend que ça commence là. Puis ça a tout le temps été de même. Anyway, j'ai hâte en fin de semaine. Ouais. Ça va d'être full cool. Ben, j'espère. Non, je sais qu'on va avoir du fun. Il y a beaucoup de points d'exclamation soudainement. Mais il y a une chose que je voudrais, par exemple... Je pense qu'on va avoir des petites choses à éclairer, mais je pense que tu le savais aussi. Anyway, je veux rien prévoir, sinon ça va peut-être foirer, puis ça me tente pas. Bon, toi, c'est quand ça te donnerait? Demain après-demain ou samedi? Ah, la lettre a donc été écrite quel jour, mesdames, messieurs? un mercredi. Excellente réponse. Puis si ça te donne les trois jours, ben c'est quand ça te tente le plus? Bon, ben, tu me réécriras ou pas. See you, Tania, trois becs, et c'est écrit choisis la saveur. Fait que quelle saveur tu choisis? Je sais pas, je tripe bien gros sur la Molson M de ce temps-là. Ah, alors trois becs, saveur de Molson M. Molson M, pour vrai? Non, je tripe pas vraiment, mais. Avec la micro-gazéification? Ouais, je n'ai bu hier, là. Fait que, c'est comme s'il y avait un party dans ta bouche puis il finit à 7 heures. Exactement. Merci beaucoup, Étienne. Ah, ben, merci à toi, je suis vraiment content d'en avoir lu un. Et voilà. Fait que on passe à quoi, là? Ben, écoute, moi, je vais pas lire la mienne tout de suite. Je vais attendre à tantôt quand tu vas faire ta deuxième... Ma deuxième batch de lettres. Je vais lire une lettre, là. On n'a pas parlé du film encore. Ah oui, on pourrait... Ça s'appelle comment? On pourrait parler du film encore. Alors, ouais. Ça s'intitule « L'Ordre des Aigles Noirs ». Oh oh! Voilà, version française de « The Order of the Black Eagle ». Ah ben... Donc, juste un aigle en... Pas un aigle, un aigle. The Order of the Black People. Oui, exactement. The Black Eagle. L'ordre des nègres noirs. Alors, l'ordre des aigles noirs, version française de Order of the Black Eagle, et en français avec des S pour les aigles noirs, et en anglais, c'est au singulier, un seul aigle noir. C'est facile de garder l'ordre. Voilà, exactement. Alors, je vais commencer à parler un petit peu du film, je pense. Premièrement, j'aimerais vous rappeler qu'on est ici pour apprendre. Ce soir, j'aimerais revenir sur le concept de Droonies. Un Droonie, c'est un personnage de... C'est quoi ça? C'est pourquoi ça, Étienne? Je comprends pas. Ah, d'accord, mais je l'ai, moi aussi. Alors, un Droonie, c'est un personnage qui n'existe que pour mourir. Il a en général un seul HP et en cas de doute, arrondi à lentille supérieure. Ça veut dire que s'il se cogne le petit orteil sur une patte de lit en se levant le matin, il meurt immédiatement. C'est aussi un tireur remarquable qui réussit toujours à manquer le héros du plus proche possible. Ce soir, on va en voir pas mal des Droonies. Ouais, c'est pas bon. Je vais mettre un bout du film tout de suite pour commencer, je pense. Ah, t'en as des bouts? Puis, ouais, je pense qu'on va commencer par ça. Et puis, attends un petit peu. C'est Problème technique. OK, c'est bon. Alors, il fallait juste que j'avais oublié de sortir ma petite feuille. Je suis pas habitué de faire ça. D'habitude, je fais pas ça. Je vais faire ça. Ben oui, d'habitude, c'est Tommy en arrière de la console. C'est Tommy en arrière de la console qui est habitué de faire ça. Puis là, tu fais juste lire tes nouvelles. Je suis habitué de faire ça. Alors, voilà, moi, j'y vais tout de suite dans mon pas habituage de faire ça. Et je vais vous mettre tout de suite un petit bout du film Susmentionné film. Susmentionné, qui est distribué par France Film. Oh, je reconnais ça. Gage de qualité. Voilà. Alors, on commence, on est dans des images d'archives de nazis. Était en route pour concevoir la plus grande infamie de tous les temps et devenir le plus grand criminel que le monde ait connu. Hitler, à la tête d'une bande de voyous nazis, devint le dictateur de l'Allemagne. À ses côtés, nous retrouvons Wein, l'un de ses compagnons qu'il fit assassiner ainsi que tous ceux qui osèrent le critiquer. L'apogée de sa carrière sanguinaire eut pour résultat de plonger le monde dans la plus terrible guerre de l'histoire. Des millions de gens furent victimes de la mégalomanie du Führer. La fureur du mégalomane. Nous le voyons ici aux côtés de l'industriel, voilà. Von Papen, qui aida Hitler dans son ascension. Von Papen. Et c'est pas bien parce qu'on entend la voix anglaise en arrière. De tyrans dont la fin fut en rapport avec leur ignominie. Durant la chute des nazis, Mussolini fut exécuté par les patriotes de son propre pays et Hitler connut une fin appropriée pour un responsable de guerre. Les atrocités commises par les nazis bouleversèrent le monde. Il disait que ça n'arriverait plus jamais. Avait-il tort? Probablement. Mm. Ben, il y avait raison. Histoire de dictateur? Alors, le film commence avec ce document d'archives avec Adolf Hitler, avec la voix off qui nous explique, dans le fond, qu'il était méchant, là, pour ceux qui se le demandaient encore. Cette introduction là, nous met en contexte. En fait, les méchants, ben, ça va être des nazis. Ah! Voilà. Ben. Donc, pour ceux qui n'avaient pas c'est catché, tellement out. Une autre affaire qui est le fun aussi, là, vous allez voir au générique, il y a les noms des acteurs, puis là, il y a « And Introducing », puis le nom de la fille, puis tu le sais qu'il va se la pogner, juste au générique, quand il a marqué son nom, tu le sais qu'il va se la pogner tout de suite. Le héros, Duncan Jax, c'est un faux James Bond qui réussit à rendre le vrai crédible, parce que des passes crédibles, on va en voir pas mal. Il va y avoir un babouin comme sidekick. Ça peut rendre mal à l'aise, surtout quand son entraîneur lui a appris deux trucs qu'il répète tout le long du film. Une romance naissante entre les deux protagonistes qui commence avec la fille qui ne peut pas sentir le héros et qui, la seconde suivante, se présente devant lui en sous-vêtements, lui demandant de l'embrasser. Une ville en Amérique du Sud nommée El Gato Grande, le gros chat, ouais, c'est beau. Dans laquelle tous les clichés de films d'action jouent au poker ensemble en attendant que le héros vienne les chercher. On aura aussi droit à une scène d'action complètement inutile contre des antagonistes qui ne reviendront jamais dans cette ville. Les Droonies ont habituellement aucun instinct de survie, mais ceux-là sont vraiment impressionnants. Ils courent vers les gentils sans armes, là, puis ils se font tuer un par un. Là, ils choisissent tous leurs gentils systématiquement pour fitter avec leurs aptitudes. T'sais, celui qui se bat à main nue, ben, il va se battre contre le gros tough qui se bat à main nue. Puis celui qui a des couteaux, ben, des bâtons, ben, il va se battre contre la fille qui se bat avec des couteaux. T'sais. Puis il y a juste ceux qui ont des mitraillettes qui se battent contre ceux qui ont des mitraillettes. Ou contre ceux qui ont des grenades ou des armes à longue portée. Là. Il y a des arbalètes aussi là-dedans. Là. C'est vraiment superbe. On va avoir une explication de plan des moins bien amenés que la mémoire me donne. En tout cas, c'est vraiment, vraiment une des pires scènes d'explication de plan que j'ai vu dans ma vie et aussi un des boss des méchants les plus inertes depuis Sauron. Voilà. Donc, l'Ordre de l'Aigle Noir est un groupe néo-nazi qui kidnappe un scientifique juif afin de faire marcher un laser qui pourra détruire et ou contrôler le monde et aussi décongeler Hitler, cryogénisé, voilà, notre boss des méchants. Le gouvernement fait appel à l'agent secret qui se pense cool et aime les femmes faciles pour combattre ces Aryens à l'aide de son singe supposément intelligent qui sert juste à faire des « fuck you » et sa gang de spécialistes clichés, donc la fille sexy, l'homme fort, la fille au couteau, le tireur d'élite, etc., le cowboy. On part dans une aventure où les scènes d'action nous prennent pour des caves. Les jokes sont aussi drôles que la commission Bastarache. À découvrir. Pas de choix, vous avez voté pour. Ouais, c'est ce soir au Brouhaha, 5860 de Lormier, Montréal, à la Nincassie, 811 Saint-Jean-Québec, au bistrot de Lucate de Rouyn-Noranda, au Boc et Bière, 50 Wellington Nord à Sherbrooke, et au Trou du Diable pour la première fois, 412 Willow à Shawinigan. On va mettre un autre petit bout de film, là, je pense, là, pour se mettre un petit peu en contexte. On va nous expliquer ici quel est l'enjeu. Alors, voilà. Ah, ben, je vais commencer par vous mettre juste un petit bout que j'ai trouvé bien drôle. Il est en voiture avec son singe ici. Et puis, la toune qu'il joue, c'est comme la même toune que la toune dans Aimé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série télé Aimé. Ça s'en chante. Oui, c'est vrai. Ah, ben oui. J'ai l'impression d'avoir du vin dans les cheveux puis d'avoir mon nom décrit en dessous de ma face. The Young and the Restless en anglais. Le jeune et la personne qui se repose pas. Exactement. Bon moment d'émotion avec le singe, justement. Ouais, il roule dans une espèce de verger, là, avec sa Mercedes. Bon, OK, c'est ça. Fait que... On va skipper un petit peu, on va avancer un petit peu. Là, il y a des gens qui jouent au polo. Et puis là, on va nous expliquer un peu qu'est-ce qui va se... C'est quoi qui se passe? Pourquoi qu'on est là? Qu'est-ce qui va arriver? Bonjour, Monsieur Jax. Nous faisions un petit tour. Je suppose que vous avez entendu parler du kidnapping d'hier qui a eu lieu à Genève. Oui, le chercheur George Brinkman, le plus grand de nos experts en laser, si je suis bien informé. En effet, mais je crois que c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pense. Connaissez-vous l'Ordre de l'Aigle Noir ? Oui, j'ai lu deux ou trois trucs là-dessus. Un groupuscule de néo-nazis qui voudraient gouverner le monde en tant que représentants des Aryens. Ils font beaucoup plus de bruit qu'autre chose, à mon avis. Ne les sous-estimons pas. Ils sont dangereux. On les surveille depuis longtemps. Au début, ce n'était qu'un petit groupe de fanatiques, mais ils prennent de l'ampleur. Et quel rapport avec l'enlèvement de Brinkman ? Nous avons de bonnes raisons de penser que l'Ordre de l'Aigle Noir serait responsable. Dans quel but ? Cet ordre est dirigé par le baron Ernst von Trippich. Il faisait partie des jeunesses hitlériennes autrefois. Il veut ressembler à son idole. C'est pour ça qu'il pense que c'est eux autres. Il a utilisé sa fortune pour aménager son quartier général dans un temple qui se trouve en pleine jungle d'Amérique du Sud. On ne sait pas ce qu'il mijote, mais nous sommes presque sûrs qu'il y a un lien avec l'anniversaire du Führer. Et l'enlèvement fait partie de leur nouveau plan ? On n'en sait rien, mais nos informateurs disent qu'ils ont fait venir du matériel dans leur QG. Des lasers, entre autres. Oh. Ils ont besoin de quelqu'un qui sache s'en servir. Nous avons intercepté l'un des chefs de leur mouvement, Conrad Bladen, alors qu'il était en route vers l'Amérique du Sud. Et pour être sûr. Il y a une extraordinaire ressemblance entre vous et lui. Ah oui, voilà. Ah, c'est le Bladen et son assistant sont attendus là-bas dans deux en fait, jours. Vous comprenez oui, ce que mais non, parce qu'on le verra jamais, l'autre je personnage. Ce cher Bladen, je suis censé m'infiltrer dans ils l'ont intercepté. Ainsi, j'aurai une chance de sauver Brinkman. Et vous devez découvrir ce qu'il mijote. Vous avez dit que Bladen avait un assistant. Nous avons de la chance, Duncan. Interpol nous a envoyé un de ses meilleurs agents, mademoiselle Tiffany Youngblood. Chaudement recommandé. Ah oui. Voilà, chaudement recommandé. Mm-hmm. Alors, on a compris ici que les nazis se sont dit que le plan le plus subtil qu'ils pourraient utiliser pour se servir de des lasers, ce serait d'enlever le meilleur expert en laser au monde. Ben oui. Parce qu'il n'y a personne d'autre que le meilleur expert en laser au monde qui sait se servir d'un laser. Si tu veux vraiment super bien t'en servir. Voilà, exactement. Donc, ils se sont dit qu'en enlevant ce gars-là, ça attirerait pas la furie de la communauté internationale. Ben et voilà. Je vais passer à un autre petit bout ici qui est pas pire drôle, où est-ce qu'on nous explique un petit peu Adolf Hitler, qu'est-ce qui se passe, voilà. On est dans un laboratoire, ça bouillonne. Oui, il y a de la boucane, et puis il y a... Il y a des anneaux les meilleurs. Il est décédé en 1945. Des pêcheurs. Mais notre Führer est vivant. Il est cryogénisé. Lorsque nous le réveillerons, avec son aide ainsi que celle du faisceau, nous partirons à la conquête non seulement de la Terre, alors là, mais aussi de l'espace. Tout le monde est autour de la Terre. Le Führer sait que qui détient le ciel... gouverne l'univers. Tout le monde est autour de la table, mais a un visage très ce surpris. Sera l'ordre de l'aigle noir. Mon Dieu, il est fou. À notre Führer. En effet. Au Führer. Au fureur! La fureur! Dis l'oiseau, dis emmène-moi! Alors là, on a un gros plan sur la face du fureur avec des images d'archives du fureur projetées sur la face du fureur. C'est assez étrange, c'est un effet stylistique intéressant qu'on a ici dans cet excellent film. À noter aussi, il va y avoir un genre de Q, comme dans James Bond, qui explique les gadgets. Ouais, ouais. Mais c'est toutes des affaires de cigarettes, presque. Ouais. C'est un lighter qui fait exploser des affaires, puis un paquet de cigarettes. Puis il y a beaucoup d'explosions aussi. Et puis, c'est toutes des affaires qui explosent. C'est toutes des affaires qui explosent. Et voilà, donc, puis aussi, c'est ça, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il présente tous les gadgets, qui sont comme toutes des affaires, des household objects qui font quelque chose de spécial. Et puis là, il dit, est-ce que c'est tout? Puis il dit, non, ça, c'est un gun. Puis là, il donne un gun. Ah, c'est comme, on dirait que c'est comme une joke. Non, mais même pas, non, il dit, tu sais, il dit, c'est un Desert Eagle, quelque chose, genre, là, il donne le gun, genre, puis il fait comme, ah, OK, puis il s'en sert presque pas du film, en plus. Non, mais ben, c'est trop trivial, un gun, ouais, là, voilà. Quand t'as des cigarettes explosives puis des lighters qui crachent du feu. Bon, on retourne-tu à écouter de la musique? Ah oui, donc. Okay. Mais un lighter, ça crache tout le temps du feu. Ouais mais ça. Celui-là, il crache plus de feu. C'est ça. Ouais, voilà. D'ailleurs, il y en a un lighter qui fait exploser des affaires. Et puis, je pense que c'est la manière de se servir d'un lighter qui crache des explosions les plus lames que j'ai vues dans ma vie. Il s'en sert pas en disant comme, oh, laissez-moi allumer ma cigarette. Non, il faut juste comme le sortir comme un gun puis s'en servir. Okay, ouais. Ça sert à rien que ce soit un lighter. Finalement. Non, c'est ça, exactement. Mais il s'en est rappelé, par exemple. Il dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai ça! Checker son inventaire à ce moment-là. Voilà. Donc, Étienne Forêt? Ouais, écoutez... Oktoberfest, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Mais tiens, regarde, juste avant, là, on en parlait, là, ben, pendant tout ce temps-là, j'ai trouvé la toune de la Hongrie de Eurovision 2008. Non. Ouais, light comme ça, live de nos studios. Ça s'appelle Candlelight, la chanson. Et le groupe, c'est, je sais pas comment ça se prononce, c'est Xezi. Mettons. Et puis lui, donc, c'est le deuxième plus poche de la demi-finale là, qui avait obtenu 6 points. Donc, je ne l'ai pas écouté encore, fait qu'on on découvre tous ensemble à 70%. Donc, c'est ça qui s'est fait battre par... Oups, attends, j'ai oublié de juste allumer mon son, ça va aller mieux. S'inquiète-toi pas, Bruno, ce coup-là. C'est pas de ma faute. C'est moi, là. Fait que ça s'est fait battre par Dustin, la dinde. Ça commence assez corny, là. On peut comprendre que la dinde était plus dynamique. C'est sûr que ça s'appelle Candlelight. Weeks go by, some sense expire, autumn leaves, memories, an untold desire, it burns in me. Ça sent emmerdant, merci. On peut passer à l'autre, ben on peut attendre le refrain aussi. Ouais, moi c'est ça, mon but c'était de me rendre un refrain juste pour lui laisser une chance. Au moins. On salue tous les Hongrois qui nous écoutent en passant. C'est en anglais en plus, si c'est pas. Ouais, c'est ça, au moins si c'était en hongrois. Ben oui, ça avait une petite saveur pointe. Ouais, je pense que ça sent bien. Cause I'm your lady! Ouais, c'est assez cliché, hein? Ouais. Ça se démarque pas, ben. Sinon, la plus poche de tout le concours, c'était Complice par Mio Dio, le groupe de Saint-Marin, République de Saint-Marin. 5 points seulement. Éliminé à la première étape avec ces 5 points-là. Puis c'est effectivement très mauvais, ça aussi. Ouais. C'est en italien, la chanson. Ça a un petit charme, ça, par exemple. Ah, c'est complice. Ouais, complice. Pourtant, il me semble que les Italiens sont reconnus pour leur bonne musique populaire. Hein. Ouais, pourtant. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Puis tu vois, je remarque qu'il y avait la Belgique aussi qui s'était faite battre par, Dustin. Je sais pas, c'est ça, c'est vraiment pas facile. Ben, la Belgique, c'est écrit sur la page Wikipédia du concours Eurovision. Chaque chanson, c'est écrit dans quelle langue elle était. Puis donc, la tune de tantôt, Candlelight, est en anglais et hongrois, fait qu'on s'est pas rendu assez loin, on avait pas entendu du hongrois. Celle-là est en italien et la tune de la Belgique, c'est marqué langue imaginaire, fait que ça aussi, ça serait intéressant à découvrir. Tu l'as pas encore, par exemple? Non, ben là, c'est ça. Fait que Oktoberfest maintenant? Ouais, Oktoberfest, je pense que ça va nous remonter un peu le moral. Ouais. Ça n'est pas le cas qui se ressemble. Tu vas voir, il y a toutes sortes de belles affaires. Ici, on écoute Aber bitte mit Sahne. de Udo Jürgens. C'est assez... c'est pas polka, là, tu sais, c'est plus rock, là. Ouais, c'est le fun du rock clavecin. Ouais. C'est cool. Oh yeah. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne-Baiser. On est baisé. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne, qui veut dire en allemand avec un peu de crème. Genre, oui s'il vous plaît, mais avec un peu de crème. Vraiment, ça serait ça, la traduction. Ouais. Fait qu'on interprète ça comme on veut. Et puis, il y a le groupe Sodom qui a fait une reprise de ça, qui est réputé, lui, pour faire du death metal. Ah, je sais pas si ça te dit quelque chose, toi, Israël. Le death Sodom. Metal, oui, c'est un style de musique que j'aime pas vraiment. Ben, le groupe Sodom, je parle. Ah non, ça me dit rien. Il a fait la même tune en, je sais pas, death. Là. Ah, OK. C'est quand même accessible. Ben, t'as pas même le choix, là, quand tu prends genre les trois accords blues. Puis... Ouais, c'est ça. Ah ah ah! Rends tout le monde chante! Ah, toute la foule en délire. Donc, okay. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une tune en deux versions intéressantes. Une autre chanson ici. Que je pars, qui est en français, bien de chez nous. C'est Nicole, en 82, qui chantait La paix sur terre. C'est quoi le rapport avec Octobre et la bière? Tu vas voir, man. Écoute bien la harpe qui s'en vient. Et voilà. Quand je m'attends au soleil couchant, la harpe comme la marque de, comme la marque de bière, c'est ça? Non, non. C'est pas un rapport aussi tordu que ça. À travers champs. C'est avec mon cœur bon. Alors ici, on a le groupe JBO, ou JBO, en fait, qu'on devrait dire en allemand, qui lui aussi fait du genre de métal allemand et qui a repris cette chanson-là. Celle qu'on vient d'entendre? Celle qu'on vient d'entendre, qui s'appelle maintenant Ein bisschen Frieden. Je veux dire un peu de paix. Ça a toujours un petit charme, quand même. Chanson de paix allemande. Je sais pas ce que Nicole en pensait au moment où ça a été fait, ça, 15 ans après. Je sais pas s'ils ont demandé la permission ou quoi que ce soit. Parce que Nicole, en fait, quand elle a sorti sa tune en 82, elle l'a sorti simultanément en anglais, en français, puis en allemand. Ah. Fait qu'eux autres, ils l'ont juste repris, celle allemande. Et voilà. Tout s'explique. Tout s'explique comme ça. Next. Sinon, bon, ben, vous connaissez aussi cette chanson-là, de 1978. On va avancer un peu. Alors, très connue. La tune Corps à corps avec toi de Châtelaine. Une des préférées de Predge que je l'ai lui dédié en passant. Fait que ça, c'est une chanson dans laquelle on prônait l'amour libre, mais pas trop, tu sais. On disait « Laisse-moi vivre ma vie, je fais partie de cette génération qui fait l'amour à l'occasion. » C'était des revendications quand même un peu smooth, mais c'était en 78, ça commençait. Et puis, il y a Tony Marshall qui a fait la version allemande de cette chanson. Dans le fond, c'est plus un spécial métocochonnerie allemande. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me reste dans l'allemand. Là, cette fois-ci, ça s'appelle « Tanze Samba mit mir », ce qui veut dire « Danse une samba avec moi ». Là, tout à coup, exit tout le sexe. On parle plus de revendication. Ouais, mais ils ont plus l'air de jouer vraiment non plus. Non. C'est maintenant juste rendu ils ont dansons. L'air de se plaindre. On danse la samba et on s'en fout. Intéressant. Come on. Liebe, liebe, lie. Liebe, liebe, lie. OK, ça c'est... Ouais, c'est pas facile, hein? OK, ben j'ai un GP. Vous allez reconnaître la chanson. Oh! Non, j'aime bien ça, c'est quoi? Avril Lavigne. Ah ouais? La chanson Girlfriend, qu'elle a faite elle-même en allemand. Elle-même? Elle-même. C'est juste le refrain, par contre, qui est en allemand. Si on retombe sur l'anglais. Tu sais, si tu veux, genre, pogné dans un pays où il y a une langue assez unique, puis tu peux être d'y aller avec le Japon parce que, tu sais, il y a tellement plus de monde pour couper sur la marde. C'est vrai. Mais Avril Lavigne, elle... C'est un drôle de localisation, genre faire sa tune juste en allemand en plus, tu sais. Ouais. Ben, elle a fait aussi cette version-là. T'as besoin d'une nouvelle! Donc, c'est un genre de français, on peut dire. Pas un secret. Elle parle comme une franco-ontarienne. Oui, un peu, hein? Plus que de pluie, plus que de cru. Plus que de cru, plus que de mal. Ouais. C'était les Acadiens, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Avril Lavigne capitalise sur tous les marchés en même temps, dont l'Allemagne. Voilà. Bon, change un peu de tune. Une autre jolie version allemande d'une tune très connue. Bist du allein von allen Freunden verlassen, dann geh in die Stadt. Dalton. Eh oui, tu as reconnu la version allemande de Dans le temps de Claude Seben, repris ici par Petula Clark. Claude Seben, capitaine Cosmos et tout le reste. Exactement. C'est bon l'allemand, j'aime ça l'allemand. Des rimes en gun, là, tu sais, c'est dur à faire en français. En allemand, il y en a partout. Dinge erleben, die sind wunderbar, come on. Downtown! Fait que c'est Petula Clark, en fait, évidemment, vous l'avez reconnu, l'auteur original de la chanson Downtown, que Claude Seben avait repris. Ah, c'est l'inverse, c'est pas... C'est l'inverse, oui, évidemment. Claude Seben, il n'y a rien fait qui a été repris par quelqu'un d'autre. Inquiète pas. C'est bonne toune de grand-papa Jove. Oui, c'est ça, mais bien avant ben, ça. Il y a les ateliers des Mésis qui ont repris son trophée. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas lui qui l'a inventé, je pense. Regardez, c'est ça, la toune. Dans cette ville, la joie qu'il y avait avant. Dans le temps. C'est ma version française préférée. Ouais. Mais sinon, bon, il y en a d'autres qui font leur tour en allemand comme ça pour essayer de percer en Allemagne, incluant ici Chubby Checker lui-même. Ich sing meinen Song, wenn du hast den Gun, wenn tanzen den Twist, bist du mir der Best. But the Twist beginnt, dann macht uns ganz crazy. Ah ben, hein, quand même. Lui-même. Lui-même, il a refait, c'est sa propre voix, c'est lui. Et ça, c'était en quelle année, ça? En 62. Ah. En même temps, à peu près, que sorti la tune de Let's Twist Again en anglais. La même année. Je sais pas si pour les Allemands, ça sonne un peu comme quand on écoutait Avril Lavigne tout à l'heure en français. Ça. Ouais, probablement, oui. Ouais. En tout cas, Petula Clark, tantôt, je trouvais que son allemand avait l'air mal maîtrisé. Ça a pas l'air naturel. J'imagine que les Allemands doivent le sentir assez bien. S'il y a des Allemands qui nous écoutent, le Fiat 3000, poste 16-10, dans le 1-5-1-4. On a des bouquets de Nissan Sentra à donner. Ouais. Qui sont illégales en Allemagne. Rien de décide de ça. Pourquoi pas. Sinon, ben, même Joe Dassin a fait ses propres chansons en allemand. Ah. Oui, oui. Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Hey, c'est sûr que c'est pas bon, ça. Ouais. C'est sûr que c'est incompréhensible, ça. Surtout, il laisse des mots en français. Hein, bonjour. Donc, est-ce que tu sautais puis tu l'as laissé de même? Non, j'ai reculé pour vous montrer. Ok. Pas en français. Puis là, ça, c'est resté en français. Puisque c'est un nom propre. Ah ouais. Ah. Ben, il y a le O qui aurait pu changer. Là. Ouais, ben, ça, c'est assez universel, ça, quand même. Il a aussi fait ça. Ah, oh, non. En allemand. par lui-même comme ça. Ah non! C'est vraiment encore pire. Ah, ça, c'est bon, ça, quand même. Parce que ça, c'est une toune d'un Français qui se passe au Canada. Ouais, en allemand. En allemand. C'est une saison qui existe juste ici. Au nord de, de l'Amérique. C'est ça. Und hier im alten Indianerland. Après qu'il ait gelé, là, il me faut 4 ans à peu près. Und du mit deiner sonnenbraunen Haut. Dans cette saison qui n'existe que quand il y a gelé avant. Il faut 4 ans à peu près. Ça s'appelle September Wind en allemand. Ah. Fait que peut-être que ça existe en Allemagne aussi cette saison-là, puis on n'était pas au courant, puis ça s'appelle September Wind. Ben, ça a l'air plutôt de vouloir dire vent de septembre, je te dis. Mon allemand est un peu limité, mais comme ça s'écrit exactement pareil en anglais. Ouais. ça aurait du sens. Je suis pas sûr que la saison existe. J'irai pas jusqu'à dire ça. Bon, ok, là, ça, on est en train d'endormir le public. Remontons le moral de tout le monde avec ceci. Ah oui, sans sourire, qui s'est suicidé. Qui s'est suicidé, également en allemand. Après sa faillite avec sa blonde en se droguant. Ouais. Suicide gun. Suicide gun, je pense qu'il faut dire. Ah, excusez. Pour faire des rimes en gun. Donc voilà, c'est la même tune en fait, mais bon. Sauf que c'est Dominique à Dominique. C'est ça. Il n'y a pas de Nick à Nick. Tu peux pas faire ça en allemand. Non. Peut-être ça veut dire d'autres choses. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça veut peut-être dire aller dans mon chien. Ouais, ça veut peut-être dire jusqu'à cage, genre Nick à Nick. Ouais. Ben, déjà en français, tu sais, niquer, c'est supposé de vouloir dire baiser. C'est vrai. Dominique Nick à Nick. Non, mais je pense que c'est venu après la chanson. Ça. Ouais, sûrement. Sinon, ça aurait été bizarre. C'est inspiré de la chanson, en fait, l'expression. Peut-être. Ouais. En tout cas, les Français qui nous écoutent, Lilian, si tu peux confirmer. Sinon, ben, y a France Gall qui a fait une chanson en allemand, que je sais pas si c'est une version allemande d'une chose en français, j'ai juste toujours entendu ça en allemand. Ça s'appelle Der Computer Nummer 3, donc l'ordinateur numéro 3. Ce qui est le fun, c'est la voix de l'ordinateur. Qui fait ça. C'est assez pop, bien ordinaire. Ouais. Juste, c'est du filler, cette chanson-là, monsieur. Je l'amenais bien humblement. Mais le bruit de l'ordinateur, il est le fun. J'essaie d'avancer un peu. Fait qu'évidemment, un ordinateur, ça parle tout le temps avec pas de baisse. Puis avec un petit peu d'écho. Ouais. C'est comme ça. Comme dans les films. Comme dans les films. Bon, OK, c'est assez, là, hein? Oui, c'est assez. J'en mets une dernière, il m'en reste qu'une. OK, vas-y, vas-y, une dernière. Il s'agit de la très célèbre My Heart Will Go On. Mais cette fois-ci, c'est la Drunken German Polka Version. Donc la version polka des Allemands sous. Et c'est toujours très bon. Ça va pogner un beat, là, juste là. C'est vraiment bon. Ah, attends que le refrain arrive, là. Ça va être malade. Ça va être écœurant. La montée. Go on. Attention. C'est vrai que ça note. C'est dur à pogner cette note-là. Moi aussi, quand j'essaie de la chanter, je suis pas capable. Ouais, c'est pas facile. D'ailleurs, la première fois que j'ai fait jouer ça ici, on l'avait tout chanté en chœur, puis on était tous aussi bons que ça. Ouais. Ouais, t'es capable de faire le reste, là. You were the dog. C'est ça. Voilà, c'était épique. Ça conclut mon spécial allemand, alors j'éteins mon ordinateur. Calisse par-dessus. Bruno, t'as-tu des nouvelles? Ah, je vous ai bien vu. Ah, qu'est-ce qu'il y a quoi? Ah, t'as une autre toune? C'est la toune qui vient de sortir. Je passe une nouveauté ici. de Philippe Catherine. Ça s'appelle Musique d'ordinateur. Inspiré par le son de Windows. Non, mais quelle bonne idée, mesdames, messieurs. Ouais. Alors voilà. Plus loin, y a-tu des paroles? Y a-tu des sons, genre. Non, c'est juste ça. De corbeilles à papier qui font. Non, ouais. C'est vraiment juste ça. Parce que là, il y a comme la. La tune se complexifie. Il y a le bruit du Facebook chat aussi un peu. Bah, c'est pas tout à fait, ouais, c'est ça. On peut dire. Ah ouais, y a pas les bruits des MSN fatigants aussi, là. Du du du! Ça fait longtemps que je suis allé sur MSN, je me rappelais même plus qu'il y avait des bruits. En fait, c'est pas vrai, je suis allé hier sur MSN, j'ai fait comment ça marche déjà? C'est tellement 2008. Ouais, franchement. Que c'est ça, là, tu peux nous lire des nouvelles si tu veux, là. Ouais, d'accord. On a 17 ans, là. C'est bon. Je vais baisser le son un peu. Ouais, oui, gêne-toi pas. Inquiète-toi pas. Alors, écoutez, il m'en reste deux, puis je vais les faire les deux de suite, parce qu'il est quand même écart, là. Mine de rien. Hein? Mine de rien. Alors, le parc d'attractions Alton Towers de Staffordshire, en Angleterre, oui, je l'ai eu, vient d'ouvrir une maison des horreurs nommée Carnival of Screams pour la période de l'Halloween. Le labyrinthe est fabriqué sous le thème d'un carnaval contrôlé par des clowns méchants que l'on doit éviter afin de sortir. Les clowns sont fâchés. Ben, les vrais clowns, là. Il y a eu un banc de clowns qui s'est insurgé. Ça se promène en banc, ça, les clowns? C'est ça. Je pense qu'on dit un murder de clowns. Un banc de clowns qui s'est insurgé contre l'attraction, affirmant que ça ne fera que renforcer le préjugé que les gens ont envers les clowns, comme quoi ils sont malins. Préjugé fort répandu. Ouais, Flips le clown affirme que le nouveau labyrinthe des horreurs d'Alton Towers est une représentation injuste des clowns. Il ajoute que ça nous a pris des années de se relever de Hit de Stephen King. Ça ne fait qu'ajouter plus de dommages à la réputation des clowns à travers le monde. Il a aussi dit que ça fera pour les clowns ce que Jaws a fait pour les requins, qui, à mon sens, serait un très bon tagline pour l'attraction. En effet. Et voilà, il y a Irm Grandholm de Phoenix, Arizona, qui vient d'avoir une chirurgie oculaire pour une cataracte et devait mettre des gouttes dans ses yeux régulièrement. Elle aurait alors confondu son pot de super colle avec son pot de gouttes pour les yeux. Bravo! Les bouteilles sont identiques, affirme-t-elle. Elles sont dans le même coin, en plus. Voilà, exactement. Elle les garde les deux dans la pharmacie, semble-t-il. De façon assez intelligente. Je ne suis plus jeune, mais je ne suis pas sénile. Elle l'a dit, ça doit être vrai. Écoute, c'est elle qui le sait. Donc, elle a essayé de nettoyer la colle sans succès. La colle à séchage rapide avait collé sur son œil en position fermée. Les médecins ont dû ouvrir son œil de force afin de retirer la colle avant que son œil ne soit gravement endommagé. Plusieurs cas de blessures oculaires causées par la colle existent depuis 1982 et Holmes témoignera devant la Food and Drug Administration afin que les compagnies de colle changent leur peau. Ouais, il serait temps là, qu'ils se distinguent un peu. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont vraiment trop pareils. Là, des pots octogonaux, quelque chose. T'sais. Ça fait depuis 1982 que ça sévit, ça, ce mal-là. Hein. C'est vrai, c'est incroyable. Voilà, donc, il est temps là, qu'on s'en mêle. Israël, Trudel-Denis? Oui, j'ai une lettre merveilleuse ici. On va poursuivre. Ça va être la fin de l'émission, anyway. Ouais. S'il reste du temps à faire, on mettra le remix disco de Four Non-Blondes. Ça, on peut toujours bouquer avec ça. Je vais sûrement essayer de faire une petite plug à la fin de l'émission. Fait que dépêche-toi. OK, cool. Salut, Zazar. Salut, Zazar à elle. Entre parenthèses, tonton. Et voilà. Comment ça feel? Moi, bien, vu que t'as pas beaucoup la couleur du crayon, je te réécris avec. Fait que là, tu vas être heureux. On se rappelle, il y a une lettre que j'avais pas réussi à lire à l'époque, qui était verte. Bien là, elle me réécrit avec du vert. Mais je vais réussir à la lire, celle-là est plus vert foncé, mettons. Je suis chez moi, puis c'est plate. Mon frère écoute une affaire sur le Titanic, mon père étudie, puis ma mère, je m'en crise de savoir qu'est-ce qu'elle fait parce que c'est une vieille folle. Ah ouais? Ouais. C'est dit. Une fille qui n'aime pas sa mère à l'adolescence. C'est rare, c'est rare. C'est rare, hein? Ouais. Hey, Vincent, c'est un crise de con. Quand il me voit, puis quand il me voit, H.I.M., là, quand il me voit, il me dit salut, puis bye. Le maudit niaiseux. Tu parles d'un con. Ça n'a aucun bon sens. Hein? Il est bien con. Ouais. Il est con. Quand il me voit, bon. Ta lettre est drôle. Ta lettre est drôle comment tu l'as pliée. Puis mon lézard, il est plus beau que le tien. C'est quoi que t'as pas compris dans ma lettre? Moi, ma toune préférée d'Ayam, c'est Né sous la même étoile. Oh. Et demain, c'est loin, ça va faire le fun de parler de tofu en écofemme. Ouais, arc. Tu devrais aller parler à Marie-Ève, mais je pense pas qu'elle veuille sortir avec toi. V-O-Y-E, là. Ah, d'accord. Ouais, ouais, qu'elle veuille sortir avec toi. Parce que je t'avais le kick sur Ève-Marie. Ouais, ouais. Ah, c'est... c'est ça, c'est... Le boucle est bouclé. Le boucle est bouclé, oui. Ève-Marie de l'autre lettre. J'avais le kick dessus, celle qui me disait rien. Si tu me prêtes tes marmottes après ti, je vais en mettre à la radio étudiante. Je vais te prêter mon disque d'IAM, mais c'est du rap, fait que je pense pas que t'aimes ça. Wow. Est-ce que tu connais Sugar Ray? Oh. C'est du punk, puis c'est bon. Du punk? Ouais. C'est pas ça que j'ai connu, moi, en tout cas. T'as pas tout répondu à mes questions dans ta lettre. Demain, ma journée, c'est sciences physiques, biblio, wow, pièces de théâtre. Vendredi, ça se peut que je demande à Sté pour danser un slow. Sté pour Stéphane. Oui. Tout à l'heure, après l'école, j'ai dit à Annick que t'étais quasi mon best. Quasi mon best, attends. Puis elle a failli être jalouse. C'est cool, ça y arrive pas souvent. Ça en passe cool. Presque en des affaires. Là, c'est Pavarotti and Friends à la TV. C'est encore mon imbécile de frère qui veut écouter ça. Quand même, c'est étonnant. Hein? Son frère écoute Pavarotti pendant qu'elle a la misère à écrire. C'est assez disparate comme ça. Ouais, ouais. OK. Demain, je vais rester avec toi avant la pièce de théâtre. Si tu sais pas pourquoi, parce que Steve va être là. Ah bon? Faut que je la back, genre? Tu comprends-tu ça un peu plus? Comment tu trouves la BD espagnole? C'est cool. J'aurais pu demander à Bernatchez pour celle-là. En tout cas, moi, je trouve. Demain, en TR, je sais pas c'est quoi le cours. Là. Demain, en TR, je vais aller sur Internet, à moins que ce soit IF pour info. Et Chris. Demain, en TR, je vais aller sur Internet pour l'affaire sur Mano. Ah, je pense qu'elle fait une recherche sur Mano. Tu sais, on se souvient de la vallée de Dana. Ouais. Oui, c'est bon. See you, ta friend Annie, quasi ma best. C'était celle-là. Elle était difficile à lire, je suis désolé, mais ça valait la peine parce qu'il y avait deux, trois lignes super importantes. Ouais, ouais, il nous reste combien de temps? Il nous reste quelques minutes. J'ai-tu le temps pour une autre Ève-Marie? Vas-y, 2 minutes. OK, salut Israël. Ça file dans ton bout? Moi, ben voyons. Moi, bien. On peut. T'es pas venu à la danse avec Eric puis Claude. Ben, Claude, elle était pas contente parce qu'elle aime Eric. Une chose qu'il faut que je te dise, c'est que t'es bien comique. C'est une joke. C'est une joke que c'est une joke. T'es smart. Ma cousine Joséanne est smart elle aussi, hein? Bon, excuse, il fallait que ça sorte. Bon, là, c'est plate, mais je sais plus quoi te dire. Fait que, m'a te laisser. Bye. C'est tout le temps plein de contenu. C'est Friend fun. Forever. Ah, wow. On rappelle à tout le monde que c'est une joke que c'est une joke qu'Israël est comique. Exactement. Ouais, c'est une joke que c'est une joke qu'Israël est comique. Voilà, donc ça veut dire. Mettez ça dans votre pipe, tout le monde. OK, cool. Fait que j'ai terminé mes lettres. Bruno, il y en a une si on a le test. D'accord, sinon, ouais, je vais la dire. Je vais la lire. Je vais essayer. Alors, ça commence comme suit. Salut mon amour, en rouge flashant. Tu peux pas savoir, là, on est rendu en bleu. Tu peux pas savoir comment gros que je t'aime. C'est accent aigu, triste, ce qui est arrivé ce midi. Ah. Je vais à l'avenir plus penser à ce SE que je vais dire, mais toi aussi, essaye de faire pareil. Voilà, donc, tu sais. Ouais, on a réglé ça. Finalement, c'est de ta faute, toi aussi. À part de ça, tout va très bien entre nous deux. Ça, c'est ce qu'elle pense. À part moi qui devrais être patché en fin de semaine. Ah, voilà, c'est intéressant. Je t'ai fait la gueule pour rien. Et je voulais m'excuser, accent aigu. Je te trouve tellement patient avec moi, je ne sais pas comment tu fais. Je te félicite, tu vas voir, ça va aller mieux. Allez, Z, bien sûr. Je t'aime. Alors là, on est au centre de la page, je t'aime, point d'exclamation. Là, on a un autre paragraphe. C'est cute, mes petits dessins, hein? Elle a fait des petits dessins un petit peu partout sur la feuille. Il y a un palmier, il y a une note, il y a des springs, il y a un signe, il y a un beau tie, il y a deux cœurs faits différemment, une étoile filante, une lune, puis une espèce de truc stylisé que je suis pas sûr de comprendre. Ça a l'air d'une fleur, peut-être. Voilà, elle affirme que ses dessins sont cute. Je sais pas si t'es accent aigu, du même avis, ou si tu trouves ça quétaine en ZK. Je me serais essayé. Je voulais juste mettre un peu de couleur, pardon. Savais-tu ça que t'es cute? Et là, elle a écrit K-U-T-E, mais elle s'était corrigée. Ouais. Donc, voilà. Cute à mort. Point d'interrogation. Une chance que je suis pas un gars, tu me ferais bander. Une chance, hein? Joke. entre parenthèses. C'est une joke, anyway. Voilà. Non, mais c'est vrai que je suis chanceuse. Un beau gars, super, fin, sensuel, pis tout. À moi, il n'y a pas grand-filles qui sont capables de pogner. Ça, même moi, je t'ai pis je te garde. Ouf. Même si tu veux pas. Hey, cool. Comment ça finit, calvaire. Ça? Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas, je sorte pas rien que avec toi parce que tu es le plus beau gars au monde. Ah, là, okay. Au moins, en t'écrivant, tu peux pas me contredire, même si je sais que tu dois te dire « ben voyons ». C'est exactement ça que je suis en train de me dire. Voilà. C'est pour ça que j'ai de la misère à lire mes lettres, fait que je suis content d'être pas le seul. C'est vrai, je peux, PES, pas, je t'adore, trouver mieux que toi. Ah voilà, c'est, là c'était autre chose là, qui était ici. Il y a une incise. Donc je peux pas trouver mieux que toi et je t'adore est juste là. C'est un, ça compte comme les dessins, je pense, là, je t'adore en fait. Okay. De toute façon, je ne cherche même pas je t'aime. Là, il est marqué je t'aime à la folie, au chocolat. Non, en fait, il n'est pas écrit je t'aime à la folie, il est écrit je t'aime à folie. au chocolat, à menthe. Au ballonné. Ah, ça, c'est les becs à saveur. Ah, voilà. C'était populaire à mon école, les becs à saveur. Ah, voilà. Et c'est Manu. Ouais. Avec une flèche dans la barre en dessous du U. Moi, merci. J'aimerais ça. Merci, merci. Hein, pour ouais. Merci, Manu, pour cette merveilleuse lettre que j'ai pas eu de difficulté à lire du tout. Non, ça a bien été. Voilà, ça s'est très bien passé. C'était bien les dessins aussi parce que ça permettait de mettre des cases entre les mots puis d'être tout mélangé dans la phrase. Oui, c'est ça. C'était vraiment le fun. Licence poétique. Voilà. Ce samedi, le 23 octobre, on a un 12 heures de visionnement encore, un marathon douteux pour les plus braves et les curieux. Donc, 23 octobre 2010 au 24 Mont-Royal Ouest, suite 207. Manquez pas ça. On débute à 13h et on finit à 1h du matin. Il y a des prix de présence, il y a de la bière vendue sur place, c'est de la dernière mission. Ça coûte pas cher. Avec ses gracieusetés du brouhaha, ça coûte pas cher. Puis en général, Pablo, il fait des tournées. Ça coûte 10$ pour entrer, mais il y a 5$ là-dedans qui est mis en jeu puis qui est distribué à tous ceux qui ont toffé jusqu'à la fin. Voilà, donc je pense que c'est 10$ l'entrée de 13h à 17h. Passer 17h, c'est 5$ l'entrée. Puis là, vous ne pouvez pas rentrer dans la fosse commune, non. Ni dans les peut-être les prix de présence, je sais pas. Ça, je suis pas sûr. Je sais pas ça, moi non plus. Repartir la fosse et gagner. Non, ils peuvent pas gagner de prix de présence. C'est écrit sur ma petite feuille ici. Il faut arriver tôt, partir tard. Voilà. Winner. Exactement. Le truc, c'est d'amener des gens au début pour gonfler la fosse commune. Hein. Comme ça, vous pouvez peut-être même espérer partir avec plus d'argent que ce que vous avez amené au début. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, ça fait que les gens qui sont venus puis qui sont partis, ils ont dépensé plus d'argent que ce qu'ils partent avec parce qu'ils partent avec zéro. Voilà. Amenez vos jeux de société, amenez vos blondes, amenez vos iPods, amenez vos clips, on va les faire jouer. On va regarder toutes sortes de choses. Je suis pas sûr c'est quoi qu'on regarde cette semaine. Mon téléphone sonne, j'aurais dû le fermer. Je l'ai fermé. C'est cool, n'oubliez pas aussi, vous pouvez aller voter déjà pour le film qu'on va passer à l'Halloween sur le site douteux.org. Ouais. Ah, voilà, donc c'est déjà fait. Vous pouvez déjà aller faire ça. À part de tout ça, nous autres, on s'en va au brouhaha. Vous autres, allez au brouhaha aussi, ouais. S'il vous plaît. Sur hein? La place, parce ou, qu'on aimerait ou ailleurs, ça, dans un on aimerait ça vous y points. Voir, même si on ne le saura jamais, parce qu'on ne vous voit pas. Mais dites-nous salut, puis on va... C'est ça, on va savoir que vous nous avez écoutés. Ouais. Alors, vous avez écouté 70%. Bravo. J'étais Bruno Corbin. Ouais. Il était Étienne Forêt. C'est ça. Il était Israël Trudel-Denis. Oui, bien sûr. Et là, je repars le logiciel que je sais pas prenons comment. Prenons ton appel pendant qu'on était à la radio, ça pourrait être drôle. Ah, ben non, mais s'il est trop tard. Ouais. Il était tombé dans votre vocal. Et voilà, exactement. Donc, on vous souhaite une bonne soirée en compagnie de dans ta bulle dans ta qui s'en bulle. Vient. Dans ta bulle qui devrait s'en venir. Là, je pense. Mais c'est, on ne sait pas, hein, c'est férié. On va espérer. Alors, je vais repartir le programme que je ne suis pas sûr comment il marche en espérant que je sois capable. N'oubliez pas de rendre grâce à Dieu pour les récoltes abondantes. Voilà. Donc, OK. À la semaine prochaine, les amis. Salut, là. La porte battante.